Chapitre 21e. La jolie soupeuse. Tout en écoutant, tout en se laissant charmer, il attendait. Miss Eden reprit. « Je suis une fantaisiste, une excentrique, diraient même quelques-uns. De même qu'il m'a fait extrêmement plaisir de vous recevoir sans vous avoir invité, il m'est grandement agréable que vous me rendiez à l'improviste ainsi mes politesses. À moins que cela ne vous contrarie, ne vous désoblige, ne vous gêne, vous me rendez trop heureux. Merci. » Alors attendez-vous à me voir venir parfois. J'espère que ce ne sera jamais que pour mon plaisir et non pour faire appel à vos bons offices, ce soir. Pour mon plaisir, tant mieux. Et cependant, pour causer avec vous de quelque chose qui vous intéresse, et moi aussi. Je vous écoute, Miss Eden. La plus jolie des femmes de l'univers tendit sa coupe que Paulin Broquet emplit de vin de champagne. Elle approcha de la coupe sa bouche qui souriait et semblait prendre un extrême plaisir à sentir sur ses lèvres exquises le pétillement du vin d'or. « Vous avez été étonné, n'est-ce pas » demanda-t-elle, « de me voir chez vous, bien avant vous. » « Je le reconnais. Cependant, c'est bien simple. Pendant que vous quittiez ma villa dans votre auto, moi je filais dans la mienne. » Paulin Broquet sursauta. « Cependant, j'ai attendu un assez long moment et n'ai pas vu votre auto sortir de la villa. La porte de fer forgé est restée fermée. » « Qui vous dit qu'il n'y ait qu'une porte pour sortir de chez moi et que je n'ai qu'une auto ?»« Rien, c'est juste. Donc, pendant que vous perdiez votre temps là-bas, moi je roulais vers chez vous, et je gagnais sur vous cette belle avance. Vous couriez donc un danger ? Pourquoi alors, puisque vous saviez que j'étais près de chez vous, que je pouvais accourir tout de suite, ne pas m'avoir fait prévenir ? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» Miss Eden tourna la tête. « Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse savoir que Miss Eden a recours à Paulin Broquet pour la défendre. » Paulin Broquet s'inclina. « D'ailleurs, reprit la plus belle des femmes, d'ailleurs ce soir je ne cours aucun danger. Non seulement je n'ai pas peur, vous le savez, mais je suis encore très bien gardée. J'ai dans ma voiture, outre mon bon chauffeur, mon métis indo-canadien, et dans une autre voiture qui me suit se trouve Big. Big à lui seul voit un régiment. Il en donne l'impression. Ce soir, je n'ai rien à redouter. » C'était hier qu'il y avait du danger. Hier ? S'écria le détective. Et vous venez aujourd'hui me prévenir ? Oh, moi, je ne suis pas comme certains pompiers qui vont au feu avant l'incendie. Paulin Broquet sourit et ne souffla mot. Brusquement alors, Miss Eden, après un court moment de silence, lui dit : Vous croyez à l'histoire du macaroni ? Paulin Broquet sursauta. De quel macaroni parlez-vous ? Demanda-t-il. De celui que préparait le champion de macaroni. Fungetti ? Oui. « Vous ne croyez pas qu'il est blessé ? Au contraire. Je suis certaine qu'il est plus gravement touché qu'il ne le déclare. Comment cela ?» Miss Eden ne répondit pas à cette question. Elle demanda à Paulin Broquet de lui passer la corbeille à fruits, elle y puisa, et méticuleusement se mit avec son couteau de vermeil appelé une pêche. Cette petite opération demande du soin, de l'adresse, quelques minutes. Miss Eden semblait absorbée par ce travail. Elle ne parlait plus. De son côté, Paulin Broquet attendait qu'elle voulût bien parler et n'osait répéter sa question. La pêche pelée, Miss Eden reprit, semblait avoir oublié ce qu'attendait d'elle le détective pour passer à un autre sujet. « Hier, dit-elle, on a essayé de pénétrer chez moi. » Paulin Broquet tressaillit en entendant ces mots. Il s'écria aussitôt. « On a essayé de pénétrer chez vous, hier. »« Ah, Miss Eden, je puis vous assurer que ce n'est pas moi qui a recommencé. Je le sais. Aussi n'est-ce pas pour cela que je vous en parle ?» Pour me dire de faire des recherches. Oh, non plus. Inutile de perdre votre temps. Vous avez mieux à faire. D'ailleurs, ces gens, car ils étaient plusieurs, encore cette fois, en ont été pour leurs frais d'expédition. C'est la coutume quand on va chez vous sans y être invité. Oui. Vous voyez que j'ai raison de me garder comme je le fais. J'en conviens. Mais comment avez-vous eu connaissance de cette tentative ? Un des pièges électriques me l'a révélé, hein ? Laissez-moi vous dire que jusqu'ici, sachant que Paulin Broquet avait l'intention de poursuivre son enquête sur la femme rousse, et me doutant qu'il commettrait cette imprudence d'essayer de pénétrer chez Miss Eden, qui l'intrigue si fortement, j'ai donné ordre de ne pas armer les pièges semés dans le parc et autour de la villa. C'est donc pour ça que j'ai pu si facilement, uniquement. Mais la dernière fois que vous m'avez fait le plaisir de me rendre visite, par un mauvais temps, vous vous en souvenez, vous m'avez promis de ne pas recommencer une tentative absolument inutile, qu'il ne pouvait en aucune façon réussir, alors qu'il vous était si facile de venir me voir quand cela vous plaisait et sans courir aucun risque. C'est vrai. Sachant que vous tiendriez votre parole, ne redoutant plus rien pour vous, et ayant depuis le pressentiment que de nouveaux dangers planaient sur ma maison, j'ai donné l'ordre d'armer constamment les pièges, d'assurer les moyens de défense. Cela n'a pas été inutile. Un malfaiteur s'y est pris. Un malfaiteur a eu la déveine de toucher à un piège électrique. Il s'est produit une décharge d'électricité et une forte étincelle s'est élancée qui a brûlé fortement cet homme. Vous êtes sûr, Miss Eden, que cet homme a été brûlé ? Demanda vivement Paulin Broquet. Vous avez un document quelconque, pas seulement un indice, mais une preuve palpable, certaine, que cet homme a été blessé ? Miss Eden tendit à Paulin Broquet une petite boîte en bois. La voilà, dit-elle. Et comme Paulin Broquet se disposait à ouvrir la boîte, elle prévint son geste. Plus tard, quand je serai parti, vous examinerez cette boîte. Et cela suffira à Paulin Broquet pour deviner, pour comprendre bien des choses. Elle alluma alors une cigarette anglaise, savoura le café de Paulin Broquet, puis, comme le jour commençait à poindre, elle se retira. Paulin Broquet entendit les ronflements des moteurs qui s'éloignaient. Et il demeura dans cette pièce où Miss Eden avait passé quelques heures, où son sourire avait brillé, où ses yeux adorables avaient jeté leur caressante lueur, cette pièce que sa voix avait emplie, où son charme avait rayonné. Et cette pièce lui parut tout à coup immense et froide. Devant lui, il lui sembla percevoir un grand vide. Il éprouva cette intraduisible tristesse qui laisse toujours, chez un homme vivant seul, le départ d'une jolie femme qui vient de lui donner quelques heures de sa beauté. Pour la première fois, il se rendit compte de la douleur de la solitude. Mais il vit mieux encore la grandeur de la mission qui lui commandait de rester seul ainsi, de ne pas mettre dans sa vie la présence d'une femme, parce que sa vie ne lui appartenait pas. Il n'avait pas le droit d'en disposer pour son bonheur. Sa vie était consacrée au service de la justice.